veux pas le quitter, mon biberon. Je veux pas le lâcher, le téton. Pourquoi faudrait-il boire dans une tasse? Pourquoi tu veux que je quitte ma place? Je veux pas le quitter, le biberon. Je veux pas le lâcher, le téton. Biberon c'est chaud, c'est doux, dans ma bouche quand ça coule. Le téton c'est bon, rond comme une boule. Je veux pas le quitter, mon biberon. Je veux pas le lâcher, non le téton. La cuillère c'est froid, c'est dur, c'est étrange. Cette nourriture là que tu veux que je mange. Je veux pas le quitter, mon biberon. Je veux pas le lâcher, non le téton. S'il te plaît mon papa, encore une petite fois. Oh oui laisse-moi téter les yeux fermés. Je veux pas le quitter, mon biberon. Je veux pas le lâcher, le téton. S'il te plaît ma maman, allez fais comme avant. Vas-y donne-moi ton sein, c'est tellement bien. Je veux pas le quitter, le biberon. Je veux pas le lâcher, non le téton. Vas-y, laisse-moi t'aider, les yeux fermés.